plus grandir, je veux marcher, je veux franchir les portes de l'éternité. Et je veux rire, je veux chanter, au-delà d'un passer mes nuits à t'écouter, sentir ton souffle à mes côtés. Passer mes nuits à te goûter comme un bonbon sacré. Petite âme seule, si tu m'entends, ne m'as-tu pas oublié? Petite âme seule, tu me comprends. Continue de me parler, de me parler. Je veux pâlir sous le soleil, et qu'après tout, tu me réveilles. Ne plus salir les merveilles que tu déposes à mes pieds. Passer mes nuits à t'écouter, sentir ton souffle à mes côtés. Passer mes nuits à te goûter comme un petit bonbon sacré. Petite âme seule, si tu m'entends, continue de me parler. Petite âme seule, toi tu comprends, je ne peux pas t'oublier. Je ne sais pas t'oublier.